La tête coupée. Un homme, passant un jour par un bois, fut attendu par des voleurs, qui, pour avoir son argent, lui coupèrent la tête. Ou du moins, il s'en fallut de peu. Elle ne tenait plus que par un petit morceau de peau sur le côté, et il dut l'attacher avec une épingle pour l'empêcher de tomber. Pourtant, comme c'était l'hiver et qu'il gelait fort, le coup se reprit et ne saigna point. Le mauvais coup fait, les brigands s'enfuirent. Le pauvre diable se releva et s'en revint à sa maison conter à sa femme, en pleurant, comment il avait été volé et maltraité. Et il s'assit sur une chaise devant le feu pour se réchauffer. Mais comme il voulait se moucher et serrer son nez dans son mouchoir, il l'arracha sa tête avec l'épingle et jeta le tout au feu. Et ainsi mourut le misérable sans s'en apercevoir, laissant une femme et quatre enfants. Ah, quelle pitié ! Au diable, les voleurs ! Nous nous pensons jeunes et forts, et soudain, tombons raides de mort.